2. Un homme à la large carrure, la figure ouverte et riante, parut dans la lueur du jour de la chambre et sa tête touchait au plafond. « Voilà, mère ! » s'écria-t-il. Il jeta son chapeau dans un coin et, avec mille précautions, extirpa de ses poches des sacs de papier qu'il déposait ensuite sur la table. « Dolphe, j'en étais sûr, vous avez oublié la pinte de lait !» s'écria maman Nell quand il eut tout étalé. Alors Dolphe rentra la tête, tira longuement la langue et parut déconcerté comme si vraiment il lui fallait repasser la planche pour retourner à la boutique. Mais en même temps, il clignait des yeux du côté de Riegger pour lui faire entendre que c'était un leurre. Et Nell, qui n'avait pas vu cette grimace, abattit le poing de sa main droite dans la paume de sa main gauche en se lamentant. « Qu'est-ce que nous allons faire sans lait, Dolphe? Vous verrez qu'il faudra que j'aille moi-même à la ville. Ayez donc de grands garçons, Tobias, pour qu'ils ne songent plus qu'à l'amour qu'ils ont dans la tête. Et si je fais sortir le lait de dessous la chaise de Riegger, est-ce que vous m'embrasserez, la mère ?» dit le grand Dolphe en riant de tout son cœur et en jetant un de ses bras autour du cou de la bonne Nell, tandis qu'il tenait l'autre bras caché derrière son dos. « Taisez-vous, méchant garçon !» répliqua Nell, demi-fâchée, demi-riante. « Comment est-il possible que Riegger ait du lait sous sa chaise ?»« Me baiserez-vous ? » répétait le jovial garçon. « Une, deux... » Alors elle se hâta de dire à Riegger, « Allons, levez-vous, la belle fille, pour savoir si je baiserai votre garnement de mari. » Dolphe se baissa vers Riegger, chercha longuement sous sa chaise, feignant de ne pas trouver d'abord, et doucement il lui chatouilla le mollet. Et enfin il leva triomphalement le pot à lait au bout de son bras. Et il criait de toutes ses forces, son poing sur la hanche, « Qui sera baisé, la mère? Qui sera baisé ?» Et tout le monde riait aux éclats de cette bonne farce. « Dolphe, embrassez Riegger, les mouches aiment le miel !» criait la bonne Nell. Le Dri fit un cérémonieux salut à Riegger en rejetant le pied en arrière et appuyant la main sur son cœur comme on fait chez les gens riches. Il lui dit « Âme de mon âme, me sera-t-il permis d'embrasser une aussi belle personne que vous ?» Puis, sans attendre la réponse, Dolphe passa son bras autour de la taille de Riegger et, la soulevant de sa chaise, il colla à son cou ses grosses lèvres de bon enfant. Mais Riegger, ayant tourné à demi la tête vers lui, ils s'embrassèrent sur la bouche, un bon coup. « Riegger, » dit Dolphe, en passant sa langue sur ses joues, d'une façon gourmande, « un baiser comme cela vaut mieux que de la rispape. »« Nell, s'il vous plaît, faisons comme eux, » dit Tobias, « je suis en joie de les voir heureux. »« Bien volontiers, notre homme, » dit Nell, « n'avons-nous pas été comme eux dans notre bon temps ?»« Ah, Nell, c'est toujours le bon temps, tant qu'on est deux. » et qu'on a une petite place sur la terre pour y faire son ménage en paix. Et Tobias embrassa sa vieille femme sur les joues, puis à son tour, Nell lui donna deux gros baisers qui claquèrent comme du bois sec qu'on casse pour animer le feu. « Riegger, disait tout bas le beau Dolphe, je vous aimerai toujours. « Dolphe, répondait Riegger, je mourrai avant de cesser de vous aimer. « Riegger, je suis plus âgé que vous de 2 ans. Quand vous en aviez 10, j'en avais 12, et je crois que je vous aimais déjà, mais pas autant qu'aujourd'hui. Non, non, cher homme, vous ne me connaissez que depuis le dernier mois de mai. Tout le reste n'existe pas. Dites-moi, Dolphe, que le reste n'existe pas. J'en ai besoin pour vous aimer sans honte. » Riegger se roulait contre la large poitrine de son mari. En se rejetant un peu en arrière, il était très facile de voir que la jeune femme serait bientôt mère. « Allons, les enfants !» cria maman Nell. « Voici le moment de faire ma pâte !» Elle atteignit une casserole de fer dont l'émail reluisait, versa dedans la farine, les œufs et le lait, puis fouetta vigoureusement le tout après avoir relevé ses manches sur ses bras bruns. Et quand elle eut bien battu la pâte, elle posa la casserole sur une chaise près du feu et la couvrit d'un linge de peur que la pâte prît froid. Tobias, de son côté, saisit la poêle à frire, la graissa d'un peu d'oin et la mit tiédir un instant sur le feu pour que la pâte y roussît partout également. Et, assis l'un près de l'autre sur le même banc, Riegger et Dolphe, ayant pris des pommes dans un panier, les coupaient en rouelles après avoir enlevé les cœurs et les pépins. Alors Nell sournoisement alla chercher une seconde casserole dans l'armoire et la posa sur le feu. Puis elle y mit de l'eau tiède, de la farine, du thym et du laurier. Dolphe s'est bien aperçu que la casserole contient encore autre chose, mais Nell l'a si rapidement recouverte qu'il ne sait si c'est de la viande ou des choux, et il demeure perplexe, ruminant des conjectures. Petit à petit, le contenu commence à bouillonner et une mince fumée brune s'échappe du couvercle qui danse sur les bords. Dolph, maintenant, allonge son nez du côté du poêle et il ouvre si fort ses narines qu'on logerait une noix dans chacune, mais toujours l'odeur le déçoit. Quand enfin Maman Nelle va lever le couvercle pour voir si ce qu'il y a dessous cuit comme il faut, il se dresse sur la pointe des orteils et cherche à se glisser derrière son dos en se faisant tout petit, et puis tout long pour paraître plus comique. Et Riekje rit derrière ses mains en le regardant du coin de l'œil. Tout à coup, Dolph pousse un grand cri pour surprendre sa mère, mais Nelle l'a vu venir, et au moment où il croit plonger son regard dans la casserole, elle rabat le couvercle et lui fait une belle révérence. « Qui est bien attrapé ? C'est Dolph !» Et cependant, il s'écrie en riant « Cette fois-ci, je l'ai vu, mère. C'est le vieux chat de Slipper que vous avez mis à la casserole, et vous l'avez engraissé avec des chandelles. »« Oui, répliqua Nelle, et après je ferai frire les souris à la poêle. Allez, méchant garçon, occupez-vous de dresser la table et laissez-moi tranquille. » Doucement, Dolph se coule dans le réduit qui confine à la cabine, y choisit une chemise bien blanche et bien amidonnée, la passe par-dessus ses habits et reparaît en faisant voler les pans avec ses mains. Aussitôt qu'elle l'a aperçu, Nelle pose ses poings sur ses hanches et se prend à rire de si grand cœur que les larmes lui sortent des yeux et Riekje bat des mains en riant aussi. Tobias garde son sérieux et pendant que Dolph se promène dans la chambre en demandant à Nelle si elle ne veut pas le prendre à son service pour cuisiner, Tobias tire les assiettes de l'armoire et les frotte gravement avec un coin de la chemise blanche. Alors la bonne Nelle se laisse tomber sur une chaise et tape ses genoux du plat de ses mains en se renversant coup sur coup en avant et en arrière. Au bout de quelque temps, la table se trouva mise. Les assiettes reluisaient, rondes et claires comme la lune dans l'eau, et près des assiettes, les fourchettes d'étain avaient l'éclat de l'argent. Nelle ouvrit une dernière fois la casserole, goûta la sauce et, levant la grande cuillère de fer-blanc en signe de commandement, elle cria « À table ! Le plaisir va commencer !» On approcha le grand coffre de la table, car il n'y avait que deux chaises, et Dolph s'assit sur le coffre près de Riekje. Tobias prit une chaise et allongea ses jambes en croisant ses mains sur son ventre après avoir mis une chaise à côté de lui pour la bonne Nelle. Puis, une grande fumée se répandit jusqu'au plafond de bois et la casserole apparut sur la table avec un grésillement de neige fondante au soleil. « C'est le chat de Slipper, je le savais bien !» cria Dolph quand Nelle l'eut décoiffé. Chacun tendit alors son assiette et Nelle, plongeant la louche dans la casserole, en tirait de la viande brune, coupée par morceaux, qu'elle versait sur les assiettes avec beaucoup de sauce. Dolph regarda attentivement les morceaux que lui donnait Nelle, les flaira l'un après l'autre, et au bout d'un instant, frappant des poings sur la table, s'écria « Dieu me pardonne, Riekje, ce sont des chessels !» Et en effet, c'étaient des tripes de bœuf accommodées à la manière flamande, avec le foie, le cœur et les poumons. Dolph d'abord piqua les plus gros quartiers à la pointe de sa fourchette et pendant qu'il les avalait, il passait sa main sur son estomac pour montrer que c'était bon. Et Tobias disait « Nelle est une fameuse cuisinière. Je sais bien que chez le roi Léopold, on mange des chessels au vin, mais Nelle les fait tout aussi bien à l'eau. » « Certes, c'est là une bonne fête de Saint-Nicolas, » dit Dolph à sa femme en faisant claquer sa langue contre son palais. « Nous nous souviendrons toujours que nous avons mangé des tripes à la Saint-Nicolas de la présente année. » Voici que la vieille Nelle se lève de table et installe la poêle à frire sur le feu. Mais elle a pris soin avant tout de jeter des margotins sur la flamme après avoir raclé les cendres avec le crochet. Alors la fonte recommence à ronfler et Nelle, tout à coup devenue sérieuse, découvre la pâte. Celle-ci se soulève jusqu'au bord de la casserole, grasse, épaisse, odorante, avec de petites boursouflures qui la gonflent çà et là. Nelle immerge la cuillère à peau dans cette belle nappe profonde, et quand elle l'en retire, de longs filets descendent de tous côtés. Maintenant la poêle siffle et pétille, car la pâte vient de couler sur le beurre bruni, avec des rondelles de pommes que Nelle y a disposées préalablement. Et la première crêpe, roussie sur les bords, bondit en l'air, lancée d'un adroit tour de bras. Dolph et Tobias frappent des mains. Riegje admire l'adresse de la vieille Nell. Vite, une assiette! Et la première coquebaque s'étale dessus avec la couleur de la sole frite dorée et grésillante. À qui cette primeur de la poêle? Elle sera pour Tobias. Mais Tobias la passe à Riegje et la jeune femme, l'ayant découpée en morceaux, en partage avec Dolph les bouchées. Tobias les regarde manger l'un et l'autre d'un air satisfait et dit à Nell : Allons, femme, je vois que les coquebacken sont toujours aussi bonnes que la première fois que vous en avez faites pour moi. Et en reconnaissance de cette bonne parole, une large crêpe juteuse s'abat devant lui, ronde comme les disques que les joueurs de palais lancent au but. Et Tobias s'écrie : Le soleil brille sur mon assiette comme quand Dupont je le regarde briller dans l'eau. La pâte ruisselle à flot dans la poêle, le beurre chuinte, le feu gronde, et les crêpes tombent à la ronde sur la table, comme une marée de tanches. « À mon tour, mère !» s'écrie Dolph, quand la casserole est près de se vider. Nell s'assied près de Tobias et mange deux crêpes qu'elle a gardées pour elle parce qu'elles sont moins réussies que les autres. Déjà, Dolph fait circuler la pâte dans la poêle, mais il ne l'étale pas en rond comme Nell, car il a rêvé de cuire un bonhomme tel qu'il s'envoie à la vitrine des boulangers la veille de Saint-Nicolas. Oh, la tête et le ventre sont visibles sans qu'il soit besoin de mettre ses lunettes. Restent les bras et les jambes. Dolph guide la cuillère d'une main prudente, le nez penché sur son ouvrage, avec la peur de verser la pâte trop vite ou trop lentement. Tout à coup, il pousse un cri victorieux et fait glisser sur l'assiette de Riegje cette caricature. Mais à peine a-t-elle touché la faïence qu'elle se casse en deux et devient une marmelade où il est impossible de distinguer quelque chose. Il recommence encore et recommencera tant que son bonhomme pourra se tenir droit sur ses jambes. Et pour le rendre plus vivant, il lui mettra alors dans la tête un quartier de pomme en guise de visage. « Garçon, dit Tobias à son fils, vous trouverez dans le coin au copeau une vieille bouteille de Schiedam que j'ai rapportée de Hollande avec trois autres. Mais les trois autres ont été bues et il ne reste plus que celle-là. Vous la prendrez et vous la porterez sur la table. » Dolph fit comme son père avait dit et Nell rangea les petits verres. Tobias ensuite déboucha la bouteille et remplit deux verres, un pour Dolph et un pour lui. Et chacun put voir que c'était en effet un bon vieux Schiedam, car Tobias et son fils remuaient leur tête de haut en bas et faisaient résonner leur langue avec satisfaction. « Ah, ma bru, dit Nell, ce sera un beau jour pour nous tous dans 2 ans. Quand nous verrons sous la cheminée un petit sabot avec des carottes et des navets dedans. Oui, Riegje, ce sera un beau jour pour nous tous, dit à son tour Dolph en pressant dans ses gros doigts la main de sa femme. Et Riegje leva sur le bon garçon ses yeux où il y avait une larme en lui disant tout bas, Dolph, vous êtes un cœur du bon Dieu. Il s'assit près d'elle et lui nouant son bras autour des hanches, ma Riegje, dit-il, je ne suis ni bon ni mauvais, mais je vous aime de tout mon cœur. » Et Riegje à son tour la colla et dit, « Mon cher Dolph, quand je pense au passé, je ne sais comment je puis encore prendre goût à la vie. » « Ce qui est passé, Riegje, m'a bien voulu, » répondit Dolph. « Ah, Dolph, mon cher Dolph, il y a des jours où je songe qu'il vaudrait mieux être déjà là-haut, afin de dire à Madame la Vierge ce que vous avez fait pour moi. » « Riegje, je suis triste quand vous êtes triste. Vous voulez donc que je me fasse du chagrin ce soir à cause de vous ?»« Ah, mon cher Dolph, je donnerai mon sang pour vous épargner un seul instant de chagrin. »« Alors, Riegje, montrez-moi vos belles dents blanches et regardez de mon côté en riant. »« Dolph, je ferai selon votre commandement, car mes tristesses et mes joies sont à vous. Riegje n'a que son cher Dolph sur la terre. » « Bien ça, Riegje, je veux être tout pour vous, votre père, votre mari et votre enfant. N'est-ce pas, Riegje, que je suis un peu aussi votre petit enfant? Nous serons deux à aimer notre maman. » Riegje prit la tête de Dolph dans ses mains et l'embrassa sur les joues comme on boit une liqueur sucrée, en s'arrêtant par moments pour savourer la douceur de ce breuvage, puis en recommençant à boire de plus belle. Et la bouche collée à son oreille, elle murmura du bout des lèvres, « Dolph, « Mon Dolph, chéri, l'aimerez-vous au moins ?» Dolph leva la main gravement et dit, « Je prends le ciel à témoin de ce que je vais dire, Riegje. Je l'aimerai, comme s'il était ma chair et mon sang. » Notre garçon a eu la main heureuse, dit Nell à son mari. Riekje est une douce femme. Le jour où elle est entrée chez nous, elle y a amené la joie à Tobias. Nous sommes bien pauvres, Nell, répondit Tobias. Mais il n'y a pas de plus grande richesse pour de vieux parents comme nous que de voir, assis auprès de leur feu, des enfants amoureux. Et ceux-ci s'aiment, Tobias, comme nous nous sommes aimés. Vous étiez alors une fraîche et jolie fille de Dern, avec des joues aussi rouges que la cerise, et votre nez était un joli petit coquillage, comme on en voit sur le sable de la mer, Nell. Quand vous alliez le dimanche à l'église, avec votre grand bonnet à barbe et votre plaque de cuivre sur la tête, étant jeune fille, il n'y avait pas un homme qui ne se retournât sur vous. Mais je ne me retournais sur personne, car Tobias, le beau garçon aux cheveux noirs et à la barbe pointue, avec sa veste de velours vert, ses yeux brillants et ses grosses joues brunes, était mon prétendu. Ah, Nell, c'était une bonne chose dans ce temps qu'un serrement de main derrière la haie, et quelquefois je vous prenais un baiser, mais par surprise, quand vous détourniez la tête. C'est vrai, Tobias, mais à la fin, je ne détournais plus la tête, et vous m'embrassiez tout de même. Et Riekje, disait Adolphe, il n'y a pas de plus grand bonheur sur la terre, mon Dolphe, que de vieillir en s'aimant. D'abord, on ne sent pas que les années deviennent plus courtes à mesure que la vie s'allonge. Et quand l'un meurt, l'autre meurt de suite après. Ainsi, l'on n'a pas le temps de cesser de s'aimer. Oui, Riekje, et si le vieux père meurt le premier, je dirai au fossoyeur, creusez une large tombe, homme de la mort, car notre mère y va descendre à son tour. Ah, cœur ! S'écria Riekje en serrant son mari dans ses bras. « Ainsi dirai-je pour moi au fossoyeur si la mort m'enlève mon Dolphe. » Le feu ronflait dans l'âtre et les chandelles, tirant sur leur fin, grésillaient avec une lueur vacillante. Maintenant, Nell oubliait de moucher les mèches qui, écroulées sur les champignons, faisaient dégoutter le suif en grosses larmes jaunes. Et dans la lumière rougeâtre qui s'élargissait en cercle, comme de l'eau où une pierre est tombée, l'étroite et pauvre chambre avait l'air d'un petit paradis, car il y avait là des cœurs heureux. Rude et couleur de saumon fumé, la tête de Tobias se détachait de la brune paroi avec ses pommettes saillantes, son menton couvert d'un bouquet de poils gris, sa bouche rasée et ses oreilles garnies d'une bélière d'or. Et près de lui se tenait assise la vieille Nell. Elle tournait le dos aux chandelles et par moments, quand elle remuait la tête, un reflet clair plaquait son front, l'or de ses pendants scintillait à ses oreilles, le bout de son nez s'allumait d'une paillette et de l'ombre sortait, comme les ailes d'un oiseau, les barbes de sa cape. Elle était vêtue d'un gros jupon de laine sur lequel dansaient les basques de sa jaquette à fleurs, plissées en tuyaux raides, mais le bras de Tobias étant posé dessus en dérangeait un peu la symétrie. De l'autre côté de la chambre, Riekje et Dolphe se tenaient les mains enlacées. Leurs visages, l'un près de l'autre, ils s'étaient un peu écartés pour mieux se regarder sans être vus. Et quand ils faisaient un mouvement, la clarté des chandelles frappait le menton rasé de Dolphe, la bouche pourprée de Riekje, leurs nuques ou leurs oreilles percées d'anneaux, comme le soleil allume sous les vagues le ventre des poissons. Sur les planches luisaient les chaudrons, les marmites et les pots, et dans les coins, l'ombre avait la douceur du velours. « Qu'avez-vous, Riekje ? » s'écria Dolphe tout à coup. « Vos joues deviennent blanches, comme les assiettes qui sont dans l'armoire, et vos yeux se ferment. Ma Riekje, qu'avez-vous ? » « Ah, Dolphe, répondit Riekje, si c'était pour aujourd'hui. J'ai souffert tout l'après-midi, et voici que le mal augmente. Mon enfant, si je meurs, aimez-le, Dolphe, mon cher homme. »« Mère, mère !» s'écria Dolphe, le cœur me tourne. » Puis il se couvrit la figure de ses larges mains et se mit à sangloter dedans, sans savoir pourquoi. « Allons, Dolphe, du courage !» dit Tobias en lui frappant sur l'épaule. « Nous avons tous passé par là. » « Riekje, la Riekje de mon cœur !» disait de son côté la bonne Nell en pleurant. « Il ne pouvait nous arriver un plus grand bonheur le jour de la Saint-Nicolas. Les pauvres gens sont plus joyeux d'un enfant qui leur vient que de tous les trésors de la terre. » Mais l'enfant est surtout bienvenu quand le ciel nous l'envoie le jour de Pâques ou le jour de la Saint-Nicolas. « Dolphe, dit Tobias, vous avez de meilleures jambes que moi. Il faudra courir jusque chez Madame Puzel. Nous veillerons sur Riekje. Alors Dolf pressa une dernière fois Riedje dans ses bras et on l'entendit monter l'échelle en courant. Puis son pas fit danser la planche qui joignait le bateau à la rive. « Il est déjà loin, » dit Tobias.